croyez pas ce qu'on vous dit. Si vous voulez faire de vieux os, n'allez surtout pas croire que dans les bois il n'y ait que méchants loups. Je connais des bergeries, des cités où les moutons, les bergers feront la loi, feront la loi. Hein, qui a pas mon pied quelque part, ne vaut pas mieux que tu l'auras. Il n'y a jamais que soi dans sa manche. Mieux vaut rire un beaucoup le vendredi, quitte à pleurer le dimanche. Si comme moi vous haïs, c'est le dimanche, c'est le dimanche. Ce n'est pas parce qu'on vit à deux, c'est qui aime ciel avec ascenseur, que l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui font pousser le béton sur nos fleurs. Les soi-disant espaces verts ne valent pas les petits fleurs, des petits trottoirs, des petits trottoirs. On en dit de toute vérité qu'elle n'est pas toujours bonne à dire. Mais si les ânes portaient des bretelles, j'en connais certains qui prêteraient l'oreille à ma chanson. Le plafond volerait bas si les cons avaient des ailes, avaient des ailes, avaient des ailes.